Nous comptons en pile pour le privilège nous gagnons pour nous retrouver nous. Je dis à. Et d'une façon spéciale, nous voulons saluer tout le monde qui déjà autour de table là. Moi, je connais en soya, moi, il y a beaucoup plus de monde qui disposait chita en famille, yon a clot, pour que nous soyons capables de manger repas que bon Dieu gagne pour nous. Je dis à nous pour aller avancer pendant plusieurs et jours déjà, nous. Et ouais, et importance, bon Dieu, à mettre dans la famille là. Nous étudier fondation Kaila déjà, et nous ouais déjà en long et en large, comment bon Dieu, comme tout bon entrepreneur, prend temps pour les former fondation. Ouais. Et là, nous entrons dans la parole là, nous avons importance, fondation lui-même, les gagnants, parce que tout reste qu'elle là pour le reposer sous fondation. Et l'homme, c'est lui-même qui fondation, c'est lui-même que notre lit qui la tête. Et nous expliquer que tête là c'est pas ça veut dire lui-même qui en haut qui c'est ça ta va toi tu cailles là mais c'est en tête de liste c'est lui qui est là en premier il était créé d'abord et en tant que chef il a une responsabilité comme guide pour le capable montrer justement res monio qui va venir après lui ça et que bon Dieu te bâti. C'est pour ça, bon Dieu, c'est lui-même, il te bâille toute instruction yo en tant que chef. Nous te fini hier soir avec Genèse chapitre 2 qui définit pour nous ça, bon Dieu, relé yon garçon. Dans Genèse 2, à partir du verset 15, nous joignons comment et Manuel nous a défini garçon. Hein? Dieu plaça l'homme qu'il a créé dans le jardin d'Éden. Et nous dit que place l'homme, c'est dans Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Un garçon, meilleur sale qu'a fait pour Madame Lee, c'est rester en harmonie avec bon Dieu. On va prendre ça. Meilleur ça yon garçon ka fait pour madame li pour petite li c'est rester en harmonie avec Dieu parce que lorsque garçon branché à l'Éternel li pral permettre que toute famille coule dans la bénédiction et c'est youn nan bagay si nous voulons et réussi dans famille nous c'est une bagaille pour nous veiller monsieur à ce que nous rester branchés avec source nous pied bois s'il détaché de terre la mourir poisson il sorti dans de l'eau la mourir l'homme est fait pour vivre en Dieu en Éden dans la présence de Dieu. Lors où est tiré l'homme en Éden, son proverbe latin qui vient prendre immédiatement, il dit homo homoni lupus. L'homme est un loup pour l'homme. À l'extérieur de l'Éden, l'homme ne peut pas bien fonctionner. On toujours prend un petit exemple. On va laisser prendre là, bien que nous tourner sur les pieds devant. On prend exemple Adam et Job. Mais fini et parti monsieur avec petit exemple ça bien que n'a tourné sur les pieds devant l'on rentrer dans problème qui va le dans mariage là mais nous pas finir avec garçon yo asoya parce que asoya nous pas rentrer dans un gros lot nous pas aborder la femme comment bon Dieu concevoir la femme maintenant m'a prend petit exemple nous t'a dit à Adam tu as une responsabilité pour lui rester en harmonie constante avec bon Dieu. Le rester en harmonie avec bon Dieu, li sauver madame li et toute petite li. Mais si li coupé fâché avec bon Dieu, li tout coupé la vie pour ni madame li ni petite li. Lorsque Adam choisit manger fruit par rapport à bon Dieu qu'il pas manger là, moi je n'en pile belle petite excuse. Oh oui, c'est de belle petite excuse garçon qui dit oui, c'est parce que il était tellement remé Ève. Alors ils avaient mangé fruit parce que il était remé. Alors me dit mesdames, yo son garçon d'où il remé. Et remé là, c'est bon Dieu là d'être la transgresser loi bon Dieu pour qu'a faire plaisir, courir pour nèg ça parce que la tue quand même. L'homme pas fonctionner bien, le pas en harmonie avec bon Dieu. Donc, le Adam mange fouya, li mène ni lui-même, ni Ève, ni toute l'humanité dans sa nouye jodi. Même prendre l'exemple Job. Job est venu dans une situation que madame Lévinie dit le tout. Renier bon Dieu et mourir. Job dit madame nan, chérie, alchiton en côté. Parce que moi, je m'apprêtais avec bon Dieu. Et là, je me dis, dans fin livre Job, là, moi, ouais, on bagaille. Le bon Dieu retourne sous cause, il rétablit Job, et il rétablit Job. Non seulement Job vient gagner plus que ça, il te gagne, mais madame Job rétablit bon côté. Donc, l'aurait-il, monsieur, l'aurait-il branché avec bon Dieu, ou sauver madame? Et samedi là, son bagage qui parle dur, parce que des fois, ou capable de voir des situations, madame n'a pas comprendre ça. Madame là, et a dit tout bagage, que, ou pas aimé le vrai, que, ou sans coutia, que, ou pas responsable, mais ou voulez être attaché à bon Dieu, bon garanti, être attaché à bon Dieu. Parce que, geste ça, acte ça, être attaché à parole bon Dieu, hein. C'est lui qui a sauvé madame. Maintenant, quittez mon Dieu juste pour venir faire madame un plaisir. Même j'ai avec Abraham. Pour faire Sarah plaisir. Là, le fait ou Ismaël. Il mettait problème Ismaël là jusqu'à présent. Tout. Nous problème tout nous-mêmes. Parce que guerre par ici, guerre par là. Et nous venons toujours reste conséquence. Problème ça. Et 1 Corinthiens, bon courriel, liverser ça avec nous. 1 Corinthiens chapitre 10. Je dis à moi, liverser ça, et puis moi, dit, faut moi partager l'ensemble avec nous. Et tant, m'a parlé de ça, ça a monté dans la tête, moi. En allant, 1 Corinthiens chapitre 10, au moment. 1 Corinthiens chapitre 10. On va liverser 6, là. 1 Corinthiens 10, verset 6. Alors, sinon, on lit depuis verset 1er jusqu'à verset 5, nous parlons de problème qui était passé dans le peuple d'Israël là. Mais verset 6 là intéressé. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ah! Comme bon baraye qui passait dans la Bible là. Yo pas passé pour qu'à ou même vienne refaire yo tout. Non! Yo là, yo écrit pour qu'a servi nous d'exemple, verset 6, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. Donc, Pigorvin dit que, et depuis soit Adam, et toute sa madame ou dit c'est ça, pas dit ça. Parce que verset 6 la dit, c'est des exemples. Pour que m'pa reproduit même erreur. Son erreur que fait, nous wè erreur, li écrit comme exemple, pour que m'pa vin fait même bagay là. Pas dire que Salomon te gen 1000 femmes, même ka gen au moins 2. Non. C'est exemple ouè, avec toute femme Salomon gen yo, côté sa conduit Salomon. L'homme le plus sage du monde, nous pouvons jouer lui-même qu'on y a qui campe n'importe l'autre vieux dieu, n'importe l'autre vieux bout de mamite, l'a pas adoré tout pour qui raison? Parce que fils a yo détourné justement de bon Dieu. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Et verset 6 même dit, pour nous donner des exemples afin que nous n'ayons pas de mauvais souvenirs comme eux ils en ont eu. Alors, messieurs, nous allons faire et quitter nous un petit moment. Nous allons rentrer, Kounyea, et on l'autre partie dans le programme là. Nous allons voir les yeux nous sous la femme. Et premier, ça nous allons lire. C'est Proverbe 31, verset 31. Proverbe 31, verset 31. C'est comme ça, nous allons rentrer, sujet ça. Il aime dire nos sujets ça. Et son gros partie liée dans le programme là. Nous allons comprendre ça. En nous lit premier verset. Ya. Proverbe 31, verset 31 dit, il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Meni, nous rentrons dans une grosse partie à la. Il faut la récompenser pour ce qu'elle fait. Toute la ville, c'est pas une petite partie, non? Toute la ville doit chanter ses louanges pour son travail. Soyez moi quoi que tout garçon qui l'abordable là, râler vers ça et assoya faut chanter les louanges de madame. Assoya faut féliciter chérie. Assoya dit chérie et c'est jour pas où toute la ville bon, toute la ville là pas là mais c'est moi que là assoya avoir chérie ce soir chérie, je vais chanter tes louanges pour ton travail. Et ça va permettre Kounyea nous rentrer dans sujet la femme. Comment bon Dieu concevoir, comment bon Dieu ouais la femme. Non pas oublier que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ici, je parle de la race entière. Maintenant, nous avons étudié aussi que Dieu pral fait de façon spécifique l'homme, le masculin, l'homme mâle, pour capable exprimer gloire li. Et notez li, l'homme est la gloire et l'image de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va créer une femme, et non pas loin pour qui raison. Et mot qui est intéressant que li utilise pour créer femme non, mot ça signifie construire. Alors que pour l'homme, Dieu forma l'homme, mais pour la femme, le texte me dit, Dieu l'a construite. C'est, on t'a dit ça déjà pendant ce moment, c'est un travail d'artiste. Parce que l'on regarde, ouais, c'est pas et n'importe qui et qui travaille comme ça, c'est justement un travail artiste avec un pile précision et de pouvoir l'objet camper garder. C'est ainsi que Dieu lui-même, il a préparé la femme. Maintenant, hier soir, nous avons dit que un homme est en Éden. Deux, un homme a un travail. Nous avons vu une sous ça pour nous conserver le travail là, puis devant. Trois, un homme, c'est quelqu'un qui a la responsabilité de sa famille. Sa responsabilité envers Dieu, responsabilité de garçon envers Dieu, c'est respecter les paroles de Dieu. Parce que c'est lui, bon Dieu, pour le bail, commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc ici, Dieu va donner la loi à l'homme. Donc un homme, c'est quelqu'un qui a la loi. Un homme, c'est quelqu'un qui travaille. Il est un protecteur parce que Dieu dit il est placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Le protecteur, il prend sa responsabilité. Et maintenant, avec un tel homme, texte l'a dit, il n'est pas bon que l'homme, un tel homme, soit seul. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Le texte dit, Genèse 2, 18, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je vais lui faire une aide qui lui convienne parfaitement. La version rapide là, il dit, courante là, il dit, je vais lui créer une aide qui sera son vis-à-vis, qui sera semblable à lui. Maintenant, bon Dieu dit, li pral créer yon aide pour l'homme. Parce que le grand travail à faire, li yon grande responsabilité, et grande responsabilité ça, le nom mette li avec Salomie, la gloire de Dieu. Or, qui sa Bible a dit? Toute la terre est pleine de sa gloire. Travaille l'homme, c'est rempli toute la terre de la gloire de Dieu. Mais travaille l'homme. C'est, et gloire là, nous te voyons déjà son mot qui lourd. Donc, travail, principal travail l'homme, c'est présenter la gloire de Dieu. Et chaque monde vient avec une question. Chaque monde vient avec un domaine qui fait que le vin indispensable dans le domaine lié. Et l'homme était chaque domaine ça yo, où est manifestation pleine et entière de Dieu. C'est ça travail l'homme. Donc, c'est pour raison ça qui fait, bon, Dieu dit, pas qu'à quitter nous pour qu'on nous, je vais vous donner de l'aide. Monsieur Bamtou dit non ça. Monde qui crée nous, concepteur, li connaît les outils et li connaît responsabilité le bail là, li dit lui-même, nous besoin d'aide. Ça veut dire, nous besoin d'aide. Et qui ça bon Dieu créer comme aide ou aide spécifique, il a créé la femme. La femme est venue comme un récepteur et récepteur doit identique à émetteur. Donc bon Dieu pour le créer, c'est pour ça que cela dit qui sera semblable son vis-à-vis, identique à elle. Pour que échange l'en capable produit. Mais, principal travail, la femme, c'est aider l'homme. Mesdames, vous êtes là ensemble avec nous. Nous avons parlé une fois, il y a un papa qui était, il dit, moi, est-ce que vous avez petite? Dit, oui, il y a une petite fille. Il dit, mais est-ce que vous êtes d'accord? Ou fin éduquer petit tout, ou fin lever petit là, et puis pour petit toi, vin tourner ou béquille pour le monde. Moi, je dis, je ne sais pas qu'on sort les béquilles là. Mais bon, Dieu créé petit moyen, il dit, c'est yon aide. Je ne sais pas ou même ou les béquilles là. Mais pour bon Dieu, li rele yon aide. N'a pas tourné en long et en large sous mot aide ça. Mais laissez-moi dire en passant, à soi et à seulement sous ça, que mot ça et responsabilité ça, que bon Dieu baille à la femme, il y a un seul autre monde dans l'univers qui gagne elle. Monde ça a liré l'Éternel des armées. Bon, vous prenez ça me dire. Mot aide responsabilité gagne dans aide ça. Bon, seul l'autre monde qui gagne, c'est l'Éternel. Psaume 46 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours, même moi, c'est même moi, mot aide là, qui ne manque jamais dans la détresse. Mesdames, bon, vous êtes ensemble avec nous là un petit moment. Travail que bon Dieu mettait nous pour nous faire bon côté garçon, hein, c'est travail par lui-même en tant que bon Dieu. Pas oublier, l'homme est la gloire de Dieu. L'homme pral révéler qui est ce bon Dieu y est. Et bon Dieu dit, travaille ça, m'a pas quitté l'homme fait le poucol, m'a prêt de bon côté. Mesdames, chita bien janouye, chita range quoi non bien, parce que m'a dit un bel bagay là, un gros cause. Et travaille ça, que l'homme n'est pour le faire, monde qui a aidé le fait travail là, c'est bon Dieu. Or Dieu est esprit. Et travail là, dans la chair, dans la nature, dans le côté matériel, travail ça, bon Dieu dit, bon, ça moi m'pral faire, m'pral mettre moi dans la femme, qui sera à côté de l'homme, pour moi bal support, aide, que l'île gain besoin pour travail ça. C'est peut-être ça galé pour ouais. On a dans Proverbe 31. On tourne dans Proverbe 31 pour nous. On a dans Proverbe 31. Gon ti parole là, parole ça c'est seul bon Dieu qui gagne pour lui. Mais fille a gagne tout. Texte la dit verset 12 par exemple. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a plus de prix et que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et le bénéfice ne manquera pas. Elle lui fait du bien. C'est seulement bon Dieu qui fait bien. Hein? Et non du mal. Rien de mal va sortir de bon Dieu. Tous les jours de sa vie. Pas yon ti le, pas yon moi, pas le sabon, pas le gen kop nan kay la, pas le gen affection nan kay la. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. C'est seulement responsabilité bon Dieu que la, mesdames, la place qu'on occupe ya. Moi, dis nous, bon Dieu, mettez chaque monde yon côté parce que ou bon bagay spécifique pour faire. Mesdames, place que vous occupez, hein, c'est place par bon Dieu. Hein. Dieu est pour nous un secours qui ne manque jamais. Le Saint-Esprit vini lui-même. Saint-Esprit pourra gagner exactement le même rôle là à côté de, du chrétien. Le Saint-Esprit, réclame par elle, yon paraclet. C'est même mot traduit, ça la famille à côté de l'homme, nan. Yon paraclet. Yon moun kap marché tout le long avec elle, kap toujours aider le supporter elle tout le long pour, ouais, qui côté le besoin, aide là, secoua adéquate là, et li là pour le balil. Tout le long du chemin, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Bon, assoyez, nous allons partir, non, pas aller rapidement parce que Mbappé mettait trop pour nous aujourd'hui, ya. Parce que non sujet nous y est là tellement gagné, donc faut que nous prétendons, ok? On va aller. Hier soir nous t'es ouais que l'homme c'est lui-même qui portait semence là. Sperma, en grec c'est semence. Sperme là, c'est l'homme qui portait sperme là. Donc, tout gène, tout et caractéristique, c'est garçon qui portait. Donc, si vous avez besoin de qualité ou vie, qualité ou nation, gardez qualité garçon qui la donne. Parce que gène, c'est un garçon qui sorti. Mais maintenant, mais ça belle là. Et monsieur a soi même nous comprendre ça me dit la cougnée. La femme moa Adam parler l'île Ève. Ève en hébreu c'est Shava. Shava signifie vie, vivant. La femme c'est elle qui donne la vie dans Kaila. La vie, dans quel que soit ça va faire, quel que soit semence qu'on gagne, il pas gain vie pas avant que Shava pas mette mel sous lit. Bon, moi prendre ça important. Important. L'homme portait semence là. Même gen doit gagner semence là là, il était là même pendant 200 ans, pas gain vie là dedans. Yo fait banque de sperme gonia, yo congelé yo. Ou capable congeler, il gen doit bon n'importe 200 ans là parce que yo fait une découverte de une série de semences que Égyptiens ont été cachés depuis longtemps sous temps pharaon. Après plusieurs centaines d'années, ils ont joint ce mensage. Et nous connaissons ce qui passé. Ils ont planté, ils ont poussé. Tout autant, ils ont resté comme semence, sans ils pas aller en bataille, pas gain vie là-dedans. La femme, Shava, c'est elle qui donne la vie. On rentre dans le caille. De vous parler dans Kaila ou dia, Kaisa, pas gen fil la donne. Gen manger dans Kaila. Gen de l'eau dans Kaila. Gen tout l'autre bagaille. Mais de vous rentrer ou dit, pas gen fil ici. Ya. Parce que la femme, sa présence donne la vie. C'est pour ça, Moab le dit Shava. Mais mon hébreu ça, Shava, vle dit yon l'autre bagaille. Et à soya, monsieur, ouais, à soya, c'est pour nous, mye. M'tellement pour nous, m'pral dit nous, yon ti bagay là, pour nous, pas gen aucun problème avec l'encore. Mot hébreu, shava, signifie vie, mais il signifie tout. Dire, déclarer, parler, exposer, montrer, faire connaître. Par contre, si nous commençons, ouais, non? Même mot qui crée vie, Shava, c'est même mot ça tout qui voulait dire parler. Donc, messieurs, pas de problème si nous disons à soi que la femme est conçue pour lui parler. Et... Donc, suspendre un problème, madame, parce qu'elle parle, elle est là pour parler. Faut parler. Parce que lui crée même pour parler, Shava. Pour parler. Quitter madame là parler. Mesdames, sous le mari ou après chaud parler, rappelez le mot hébreu. Comment on dit? Shava, même mot. Écris le caillou là, pour qu'on sa boye, Shava. Donc, pour parler dans le caillou là, et puis devant nous parler, l'on a parlé, choisis le mot abdio, parce que chaque fois qu'on dit, c'est vie ou abbaye. Donc, on est capable de faire vie à la vie dans le mariage. On est capable de faire tout vie à la mort dans le mariage. Ça me dit là, ben oui. On est capable de prendre la mort ou la mort à vie. Ou craser le mariage là avec bouche. Parce que la proverbe dit la femme sage bâtit sa maison, mais la femme insensée la détruit de ses propres mains. Et qu'on liaison entre main et bouche dans l'hébreu. Qui fait, donc avec bouche ou construit Kaila, mais avec bouche ou tout, ou détruit Kaila. Alors, c'est important pour assurer à monsieur ou connaît, pour nous pas déranger madame dans la parler, seulement ça pour nous faire, mais balise oreille nous. Parce que les besoins parler, quitter le parler. Et le parler, la construit. Donc, mesdames, cherchez mots qui construit pour le nous parler. Plus nous parler, plus nous construit. Alors, cherchez bon mot pour nous construire Kaila. Mettez Kaila solide. Mettez toute chambre dans Kaila. Parce que c'est nous-mêmes qui pouvons faire ça. Mettez chambre dans Kaila. La Bible me dit que Léa et Rachel ont bâti la maison de Jacob. Donc, c'est travail, nous, mesdames. Construit Kaila, mettez chambre dans Kaila, décorer Kaila, tout ça nous fait avec bouche nous. Je vais parler dans le sens physique là seulement, non? Je vais parler dans le sens, dans tout l'autre sens. Yo. C'est nous pour bâtir Kaila, construire Kaila, gérer Kaila. Parce que nous gagnons mission ça en tant que aide. Et mot aide là, mrete souli à soya. Généralement, nous prenons mot aide là comme si c'est un mauvais mot. Je dis oui, est-ce que c'est moi qui bon garçon? Non, bon Dieu pas bon nous. Dieu est pour nous un aide, un secours qui ne manque jamais. Et c'est même responsabilité ça, lui remettre à la femme. Alors à soya, m'a pral kouri li yon ti versè avèk nou la et ou m di yon ti versè bien sûr mais son gros versè li mais nou pral wè pou kreyo hier soir nou te li proverbe 20 verset 6 qui te dit beaucoup de gens se disent qu'ils sont bons mais un homme fidèle qui peut le trouver et là nou te wè homme fidèle là mot amanna tout ça vle di tout poids li ba yon garçon nan kay la c'est poids confirmation ou en vérification ou en certifié c'est support l'endurance durabilité c'est digne de confiance longue durée patience garçon c'est là c'est un homme fidèle c'est tout ça mais à soi m'appeler avec nous proverbe 31 moi retourner dans proverbe 31 hein nous commençons avec mais nous la donne toujours proverbe 31 verset 10 Proverbe 31, verset 10, nous lit « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Qui peut trouver une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. Mais y a un petit mot qui peut permettre nous font tichita à soya. Mesdames, mes mots pas nouan. Dans verset, mot pas nouan, c'est mot vertueuse là. Mais mot vertueuse ça, c'est un mot que nous prenons généralement pour nous montrer que Fio, papi les 14, il a marché sous 13 pour papi les 14. Donc, une femme vertueuse, c'est une fille pas qu'à garder mon nager. Ou femme vertueuse, c'est une monde qui est. C'est pour ça que je me dis non. Nous prenons plutôt chercher mot hébreu. Pour nous mettre tout ça, mot à rien la donne. Et à partir d'aujourd'hui, l'on parle de Proverbe 31, verset 10 là. Là, on a un mot vertueuse là pour qu'on côté ça sorti. Qui ça savait-il? En allez, mesdames. Mot ça, c'est mot hébreu tchahil. On va aller plus longtemps pour nous, pour nous songer son nom. Tchahil, c'est H-A-Y-I-L. On dit tchahil. En hébreu, mot c'est son nom, tchahil. Mot ça, livre dit, on dit nous faisons chita pour nous prendre, oui. Mot tchahil ça. Livre dit force, puissance, compétence, richesse, talent, vertueuse. Ah, vertueuse à la donne. C'est souvent c'est vertueuse à sa main de prendre, même blé, toute ration. Efficience, capable, vaillante, courage, honnêteté, grandeur. Possibilité, héros, soldat, c'est le film à parler là, Tchahil, soldat, brave, armée d'élite, troupe, cortège, excellence. Mais ça m'a dit. Mais ça, bon Dieu, il est une femme. Une femme vertueuse, Tchahil. Qui peut trouver une femme vertueuse? Cette femme, c'est la force, c'est la puissance, c'est la compétence, c'est la richesse, l'efficacité, vaillance, courage, grandeur, possibilité. Ça m'amène en tout moi, c'est armée d'élite. La femme à elle seule est une armée d'élite. Mais oui, mais oui. Moun ki besoin jete garçon à terre, yo mette dans l'esprit garçon que la femme c'est le sexe faible. Et m'pral di non bagay. Ou est mot sexe faible ça? Nan original grec là li pa là. C'est Jean traducteur a traduit, li fait le dil sexe faible. Ben le wal fait recherche on pral wè que mot sexe là pas là du tout. Mot sexe là, pas là du tout. Texte là parlait de yon vaisseau, yon récipient. Mot sexe là, pas là du tout. Donc là, la femme est un sexe faible, c'est vrai, on veut détruire nous. Bon, on va faire nous pour qui raison. Regardez pour vous. l'homme besoin et maintenant proverbe 31. Ah, proverbe 31 ça son secret. Et vous comme ça belle là, sous garde dans début verset là, ou alors c'est une femme qui a parlé. Parole du roi Lemuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. Une madame ou une femme qui a parlé. Mais ça le dit. Verset 2. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, fils de mes vœux? Verset 3. Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Mais, bon révélation là. On se dit, Tchahil là veut dire armée d'élite. Alors la femme, elle n'est pas là pour faire petit combat rase. Lorsqu'on a besoin là, un gros roi à terre, son femme où elle est. En allant Bible là. On va leur conseiller d'exemple. Gros tonton, l'on besoin la guerre à terre ou juste l'on femme. La terre. On prend Samson, comment ça avec Samson? Regardez non, Samson, râle ou mâche, ou bourrique. Li, la guerre garçon à terre. Tout le monde c'est Samson. Une seule fille paraît et dit Samson, approche. Samy, viens. Et puis Samson a été longtemps. Et puis nous dit c'est sexe plus faible. Bon, pour l'autre. On prend le roi, le prophète Élie. Élie, gardez-nous sous Mont Carmel. Élie, touillé des centaines de milliers de prophètes de Baal. Élie fait du feu descendre sous le ciel. Et puis, Élie recevoir un email. Oui, mais Jézabel voulait dire Élie, m'bon garantie, m'bral fort, même si on fait tout prophète, yo. Élie relamoué, Élie courir la cacher dans la grotte. Yon femme, yon seule femme. Mon loto, oui. David, oh, David, il va devant Goliath. Regardez, non, le coupé coup Goliath. Le ap marché, tout le monde sait, David, David, David. Bet Sheba anik dit Dev, David a été longtemps. Alors qu'on a nous dit, c'est lui-même qui sexe faible. Mon Dieu, ça le tue quand même. Alors, pour qui ça m'entre dans tout petit détail, ça y est déjà à soi. Pour me faire nos ouais, plan bon Dieu. Qui plan bon Dieu? Plan bon Dieu, c'est former une équipe. Équipe li former, li mette la donne un homme. Amen. Et Tchahil, une femme. Et il pas quitté toute Tchahila la main, l'homme. Amen. Li mettait poids loua, engin loua, la main, femme là qui bon côté pour aider la mission. Bon, moi prendre ça me dire. L'homme gagne responsabilité pour répandre la gloire de Dieu partout. Bon Dieu fait une équipe. Dans l'équipe là, il mettait l'homme et il mettait Tchahil bon côté. Tchahil, la femme, c'est lui-même qui gagne la main engin lourd là. C'est lui-même qui gagne gros âme lui la mel. C'est pour ça pas gagné une plus gros âme que la langue et nous saurait la femme Ève Chava gagné la parole la mel comme une gros âme. Engin lourd là la main femme. C'est pour raison ça qui fait. Bon, me poser une question. J'ai l'impression qu'on sait de nèg qui est intelligent. Bon, table avec ma soeur. Ça, nèg, ça, on m'a parlé qu'on y a intelligent, yo. Même, on réfléchit un petit moment. Supposons, m'besoin aller entrer dans le caille. M'besoin aller et prendre le pays. D'après nous-mêmes, gagner dans le pays ça, force armée qui gagne. Gros amis, yo. Mais moi, c'est le petit policier qui a un bâton, c'est le petit bagage. Moi, si je prends un besoin pour un pays, qui est-ce que vous pensez me prendre attaquer d'abord? Petit policier, yo. ou bien gros engin lourd. Si vous mettez même sous engin lourd, tout policier a panique, la gué bâton à terre. Eh bien, attendez, je vais me poser une question. Nous comptons pour quelle raison c'est côté Ève, Satan allait d'abord par la ruse? Parce que exactement ça me fait d'eau là. Si on prend un engin lourd là, on prend tout l'autre. Bon, moi, je prends samedi là. Si on prend un engin lourd là, si on prend un chat de guerre là, si on prend armée d'élite là d'abord, tout le petit policier a petit bâton la main, tout bâton a tombé. Mais ça fait, Satan a testé, a séduit Ève d'abord. Parce que Ève gagne la main, ça nous relève le pouvoir d'influence. Ève gagne pouvoir satellite la main. Quel est pour elle? Bon Dieu dit Adam pas manger. Ève mangeait, ben rien pas passé, d'accord? Et Ève arrivait bon côté Adam. Supposez que Ève dit à Adam, chérie, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on va aller manger, chérie. Adam mangeait, oui. Bon, je vais prendre ça, je me dis, ouais, je ne suis pas pressé, je ne suis pas chaud à soi, parce que maintenant, j'ai un loup, je ne suis pas chaud là-dedans. Hein? Elle a la responsabilité d'influencer l'engin lourd d'influence. L'homme a la direction, la femme a l'influence. Donc, bon Dieu dit Adam pas manger. Ève manger. Et puis Ève n'y paraît et dit chérie, et mais ça n'a fait. Mangez ça. Adam manger, oui. Pour quelle raison? Parce que Ève gagne pouvoir d'influence dans la main. Mesdames, à soi m'a prêté là, m'a pas trop loin avec nous à soi. M'vle, parce que message ça yo, c'est des messages de repentance. M'vle définir repentance là pour nous. Repentance, c'est pas venir crier sous péché, dire oui, mais à culpa, maxima, mais à culpa. C'est pas ça, c'est pas comme ça la repentance là. Bien la donne tout, mais c'est pas comme ça. Repentance là, c'est ouais koto ye a. Abandonner, prendre l'autre direction. C'est ça la repentance. Mesdames, bon Dieu ban nous une grande responsabilité. Responsabilité ça, c'est ça qui fait de nous ça nous y est. Engin lourd ça, tchahil. C'est ça qui fait tout. Ennemi, hein, utiliser les femmes. Parce que dès que l'on est capable d'utiliser le pouvoir de la femme, c'est à cause d'utiliser un satellite. Mesdames, lorsque pouvoir ça, l'on est en bas puissance Saint-Esprit, c'est pour bonheur tout le monde qui bokoto, pour bonheur Kaila. L'autre découvre qui est ou yé. Et moi, disons déjà, l'homme besoin contre qui est moi yé, c'est pas monde moi demandé. L'homme besoin contre qui est ou femme yé. C'est pas télévision mal gardé. C'est pas top modèle qui pour dire qui est ou femme yé. Non. C'est pas Hollywood qui pour dire qui est ou femme yé. L'homme besoin contre qui est ou femme yé. C'est dans Bible à m'aller. Bible a pas dit exactement ça m'y a et ça m'ka fait ya valeur m'gagne ya. Bible a dit je suis la vie. Je suis Ève, Chava. Bible a dit je suis Tchahil. Je suis la force. Je suis une armée d'élite. Donc j'ai un pouvoir d'influence. Mais Bible a dit avec toute force ça, tout pouvoir ça, Je suis là pour aider quelqu'un. Donc, c'est pas pour m'utiliser force ça pour moi, mais toute force ça, m'gain pour m'utiliser pour m'aider yon moun. Ah, bah, elle a changé la même kounya. Donc, tout pouvoir que m'gain là en tant que femme, c'est pas pour moi, c'est pas pour me faire peut-être moins plaisir. Mais c'est pour m'aider yon garçon pour l'al faire yon bagay que bon Dieu bal fait. Transformer le monde, faire une tournée au jardin d'Éden, répandre la gloire de Dieu partout. Or, l'homme est la gloire de Dieu. On va arrêter là, soyez. On nous méditer pendant soirée, sous parole, ça y mesdames, vous êtes fortes parce que Dieu vous a créées comme ça. Mais cette force, soumettez-le sous l'influence du Saint-Esprit et utilisez-le à la gloire de Dieu. Donc, comme l'apôtre Paul pourrait le dire, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, mesdames, m'apprêtez là, soyez. Bah, nous rendez-vous pour demain soir. Et là, nous pral rendrez dans plus petits détails. Nous pral, n'a défini valeur garçon, valeur fille, et nous pral ouais, ça, mariage là, y est en réalité. Symbiose de pouvoir, ça y est. Que bon Dieu met ensemble pour former équipe là. Et équipe, ça le pral dit, dominer. Soyez fécond, multipliez-vous, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les oiseaux, sur les poissons, sur toute la terre. Donc, nous remarquez, avec pouvoir, femme gagne, garçon pas à venir dominer. C'est ça qui fait toute lutte là. Parce que finalement, garçon pas qu'à dominer, femme avec tout pouvoir, ça a gagné l'amel, engin loup à l'amel. Mais ça qui doit gagner, c'est comme si garçon c'est président, président de la Genzam, et femme nan, c'est général là. Maintenant ça ouais général là soumettre les président. Mais pourtant général là gagne plus d'âme que président. C'est ça fait ouais coup d'état toujours bail problème. Parce que justement président pas gagne d'âme, c'est général là gagne d'âme. Mais conception hein. La femme est une armée d'élite. Mais Dieu placé armée ça, il dit l'homme le président du pays, toi en tant que général, avec tout soldat, tout chat de guerre, soumettez-vous à président. Et ainsi la paix régnait dans le pays. La paix régnait dans le Kaila. Que le Seigneur vous bénisse ce soir.